Cet article a été produit pour rendre hommage aux 200 ans de la naissance de cette citoyenne française, Lucie Laurent Dupin, née à Paris le 1er juillet 1804 et décédée le 8 juin 1876 à Nohant, qui a choisi de venir être le foyer baroque intimité protégé d'un écrivain artiste nommé Georges Sand. Déjà adulte et conscient, alors, des devoirs et des droits à chaque être humain qui se reconnaît citoyen. Georges Sand, à travers l'écriture artiste, voudrait mettre en crise le monde archétype, c'est-à-dire mettre en discussion, à partir de son monde, ce monde dit humain, irrémédiablement humain qui, selon sa genèse, n'a qu'un seul genre humain. Quoi, dès son origine comme manifestation sociopolitique dominante d'une seule de ses formes, multiple, le masculin. Alors, la citoyenne Aurore Dupin décide de participer à travailler pour la société humaine de son époque, en partageant son existence avec un double nommé Georges Sand. Ainsi, la femme et son double se mettent à défendre le genre contre la domination d'un seul genre, le masculin. Finalement, la citoyenne Aurore Dupin et son double Georges Sand, écrivain artiste né probablement en 1832, deviennent dans chacun à sa manière un seul et même principe, humaniste. La Déclaration des droits de l'homme, établie officiellement dès le 26 août 1789, et en particulier son article 1er, les hommes naissent et demeurent égaux en droit.